temps de le dire, le temps de l'écrire, tout s'en va déjà, tout s'en va déjà. Et le temps peut-être de vouloir en être, rien n'est plus déjà, rien n'est plus déjà. Et le temps sans doute de quitter le doute, il revient déjà, il revient déjà. Et le temps d'en rire, le temps d'en sourire, le premier sourire s'est figé déjà. Et le temps de vivre et d'apprendre à vivre, notre goût de vivre s'estompe déjà. Et le temps lui-même de croire je t'aime, de crier je t'aime, c'est fini déjà. Et le temps peut-être de vouloir en être, rien n'est plus déjà, rien n'est plus déjà. Et le temps sans doute de quitter le doute, il revient déjà, il revient déjà. Et le temps d'en rire, le temps d'en sourire, le premier sourire s'est fait.